Allô, allô, allô, bonjour et bienvenue à Deux Fifs le matin, votre podcast coquin et votre seul et unique radio poubelle homosexuelle de gauche. Bonjour. Parlant de poubelle homosexuelle, je m'appelle Charlie Morin et I'm not a twink, not yet a daddy. All I need is time, a moment that is mine, while I'm in between. Tabarnak. Between what? Trash. Alors, moi c'est Jess, toujours concierge et toujours bipolaire, ça n'a pas changé. Et j'ai appris cette semaine qu'on ne peut pas traduire l'expression « je ne sais plus où donner de la tête » par « I don't know where to give a head ». Ça ne fonctionne pas. Oh my God, girl. Ça ne fonctionne pas. Et aujourd'hui, on n'est pas tout seul, on est avec... Oh my God. Pigs are the only animals that have 30-minute orgasms and dolphins are the only ones that have sex for fun. Wow! 30 minutes. Ha! Oh, 30 minutes. Selon l'Internet. Selon l'Internet, oh oui. Okay, the more we know. Et on est encore moins tout seul, on est avec... Selma God, et je me demande ce que je fais ici. Excellent! Woo! So do we. Alors aujourd'hui, on est avec Selma God, Uma God, et bien sûr, on va parler de tarte aux pacanes, c'est bien entendu. Ben non. C'est parfait, j'étais pâtissier avant. Damn! Alors c'est notre spécial pâtisserie? Ben non. Non, aujourd'hui, c'est on parle de la Sainte Drague, mais on parle pas de n'importe quelle Sainte Drague. Oh my God. Ouais, je sais. On parle de la Sainte Drague hors village. Fait que là, on va parler de c'est où la Sainte Drague hors village? C'est-tu à Longueuil? C'est-tu à Laval? On le sait pas encore. On va parler de qui performe sur ces scènes-là, quel genre de public, pourquoi cette scène-là existe. On va regarder ça ensemble à quatre. Et là, pour l'instant, nous, on s'en va se mettre en daytime drag pour aller se chercher un café à la Dinette Amado et on vous revient toc té caféiné. Bam! Fait que Manon était pas là, mais on a croisé Rita Baga qui se faisait photographier en train de se faire arrêter par une fausse police. Fait qu'on est parti. La pauvre. Alors là, moi, je voulais ouvrir la conversation avec une question un peu plus générale qui était durant la Pride au show Illusion, qui est le show qui rassemble, ma foi, à peu près toutes les drag king, queen, shapeshifters de Montréal. Vous avez été présenté et par Michel Dorion comme les dragues hors village et Michel Dorion a spécifié que vous aviez demandé à vous faire présenter comme les dragues hors village et ma question c'était un peu qu'est-ce qui motive ce choix? Ben ok, le choix qu'on a fait c'est pas un choix de division là, tu sais, ouais. On s'entend, c'est plus une question de reconnaissance de notre travail. Oui. Parce que puis c'est pas un jugement. Ok, je vais mettre ça clair tout de suite. Là, il y a des gens qui pensent quand on dit nous on est hors village, eux autres sont village, ils pensent que c'est une question de jugement qu'on pense qu'un est mieux que l'autre ou pire. Ou... c'est pas du tout ça. C'est juste une question que c'est différent. Point barre. Ouais. Dans le village, t'as un bar qui a t'as une clientèle puis les gens sont là pour voir un show. Fait que quand tu montes ton show, faut que ça fasse plaisir aux clients du bar. Oui. Mmh. Nous, on n'a pas cette contrainte-là. On monte nos shows nous-mêmes, on s'est fait un following nous-mêmes et on peut faire à peu près ce qu'on veut sur nos scènes. Donc, on a fait quelque chose de quand même assez différent et le travail qu'on fait est différent. Fait que nous, tout ce qu'on demande, c'est d'être reconnu pour ce qu'on fait comme étant ce que c'est. C'est tout. C'est la seule raison pour qu'on voulait se faire connaître hors village. C'était vraiment ça. Je sais pas si... Ça a venu pas mal du fait qu'au Gala des Drags, qui se fait à chaque année, puis oui. C'est un peu comme nos Oscars. Alors c'est... Oh my God, nothing less. Genre the Academy Awards. Exactly, the Academy okay, Awards. OK, bring some looks. Alors, non, mais vraiment, c'est une gala vraiment où est-ce qu'on se... Il y a des changements de costumes des drags dans l'audience, c'est cool. Oh my God, wow. Oh oui, c'est okay, glamour. Love it. Mais il y avait, à un moment donné, le prix meilleur spectacle de l'année. Ouais. Mais... House of Laureen, ça faisait 2-3 années qu'on faisait des spectacles dans le festival de Fringe qui n'étaient pas reconnus au gala parce qu'ils ne se sont pas passés sur la scène de Mado ou Cocktail. On faisait des pièces de théâtre que nous, on y écrit nous-mêmes, on faisait la mise en scène, on faisait tout. Mais comme ça a été dans le festival de Fringe, où est-ce qu'ils étaient des grands succès, ils étaient achetés par le Théâtre Centaure pour le festival Wildside, ça n'était pas reconnu parce que ça n'était pas dans le village, dans ces deux bars. Alors nous, ben honnêtement, on a chialé. On a chialé pendant 2 ans. Puis là, finalement, ils ont décidé de nous reconnaître avec un prix le prix hors du village. Alors, c'est pas nécessairement parce que nous, on voulait se démarquer de eux, mais c'est parce qu'on voulait, comme Selma a dit, on voulait une certaine reconnaissance du travail qu'on fait qui est souvent inaperçu parce que ça arrive hors du village. Oui. Tu sais, il y a du monde au début de ma carrière qui pensait c'est qui elle, mais c'est moi qui fais Comic-Con, Otakuthon, je travaille au Bagel Burlesque Festival. Juste pour rire. Juste pour rire. Ça fait des années qu'on travaille avec Juste pour rire, où est-ce qu'on a notre propre show House of Laureen sur une scène. Ouais. Mais comme ça n'arrive pas dans le village, le monde est comme « Oh, ben, on savait pas ». Alors, c'était un peu là qu'on voulait vraiment se démarquer, juste dans le sens d'être reconnu. Est-ce que ça, vous pensez que ça vient de là? Parce que je trouvais, Selma, que quand tu parlais au début de la différenciation, tu étais très prudente dans le « on n'est pas dans un truc où on juge ou on veut diviser ou quoi que ce soit ». Mais est-ce que vous pensez que c'est justement cette réalisation-là qu'il y avait du drag qui était hors du village, qui demandait une reconnaissance aussi, qui a fait que ben il y a eu une prise de conscience de « Ah, on n'est pas l'entièreté de la scène drag ». Est-ce que les gens réagissent bien quand vous vous faites présenter dans un show comme Illusion, par exemple, comme les drags hors village? Ben, OK, ça, ce que je veux dire, c'est « it's not a read on anybody ». I love a good read, though. Souvent, surtout quand on, hors village, surtout quand on parle de House of Laureen, on est très politique. Ouais, oui. On a souvent un message à dire, on a souvent une opinion, on n'a pas peur de le dire, puis on prend de la place avec. Puis justement, à cause qu'on est des gens qui... we speak our minds, les gens, souvent, ils pensent qu'on cherche la confrontation. Ouais. On cherche pas la confrontation, on cherche juste à avoir une discussion ouverte avec les gens. Puis justement, le fait qu'on parle de qu'on veut se faire reconnaître comme étant drag hors village, les gens ils pensent encore une fois qu'on veut faire de la division. Mais non, tu sais, c'est pas ça le but. Oh oui. C'est juste, c'est là, moi, que j'essaie de faire. Tu sais, oui, je mets un peu des gants de velours quand je dis ce que je dis parce que mon but, c'est pas de choquer personne, puis c'est pas de dénigrer la drag de quelqu'un d'autre. C'est du tout, là. Puis de toute évidence, je veux dire, on est dans une assez grande ville avec une assez grande variété de comme d'audience absolument. Pour que ces scènes-là coexistent parce qu'elles le font, tu sais. Je pense que des fois, ça qui peut arriver, c'est souvent dans les discours justice sociale, on va dire, tu sais, on va dire blanc. Ben les gens blancs sont tellement habitués d'être neutres que si on met une étiquette blanc sur eux, if we call white people, des fois, ils sont comme, oh mon Dieu, tu mets une étiquette sur moi sans que je le demande. Mm-hmm. Ben c'est pas nécessairement pour être négatif ou pour mettre de la haine sur quelqu'un, c'est juste parce que ça s'implique dans la conversation dans laquelle on se trouve. Alors, les drags du village, c'est pas une insulte. C'est juste que c'est un drag différent, c'est un style différent, un contenu différent avec une audience différente. Et c'est comme avec les films. On a des films, on a des drames qui ne sont pas mieux ou moins que des films de comédie, des films d'horreur, des films d'enfants. Alors, il y a de la place dans le cinéma pour tout. C'est juste que tu veux savoir quelle sorte de film tu vas voir avant que tu embarques dans le théâtre. Oui, parce que quelqu'un qui a aucune idée de ce qui va se passer dans vos shows pourrait rester surpris. Oui! Je sais pas de quoi tu parles. Donc, vous ne faites aucune description parce qu'il faut que vous y allez au show. Il faut se présenter au spectacle. C'est comme ça que ça fonctionne. Faut pas non plus oublier. Tu sais, c'est pas des scènes qui existent de façon complètement hétérogène non plus. Là. Je veux dire, tu sais, Uma, surtout, elle existe dans les deux scènes. Moi, je fais des spectacles au Mado une fois de temps en temps. Ben, moi, c'est ça l'affaire. L'endroit où j'ai le plus vu Uma, c'est au cocktail, tu sais. I am a bridge. Parce que oui, puis, tu sais, une genre, quand on fait des événements ailleurs, comme à Juste pour rire, au Village au pied du courant, mais je book des drags qui sont pas juste des drags hors village tout le temps. Je veux dire, tu sais, il y a un mix qui se fait, là. C'est pas, non, toi, t'es une, tu fais pas. C'est pas de même la réalité des choses. On n'est pas une assez grosse ville pour que, genre, ces deux scènes-là soient complètement, genre, même si ça le serait, ce serait pas intéressant. Non, effectivement. Pourquoi pas collaborer puis échanger? Oui. I always say, I'm going to say it in English because it's easier. It's better if we uplift each other. Oui. Parce que c'est là qu'on va pouvoir aller quelque part de plus intéressant. Définitivement. Et moi, là, je me demandais. Est-ce que vous avez commencé dans le village? Est-ce que vous avez commencé en dehors du village? Est-ce que vous avez commencé dans le village en disant « Oh my God, I need to get the fuck out of here ». Comment ça s'est passé, votre expérience in and out? I mean, on a tous eu un moment dans le village où on était comme « I need to get the fuck out of here ». Trois semaines après, j'étais comme « I need to get the fuck back in ». Mais le House of Laureen était conçu par Connie Lingua, ma mère de drag. Mm-hmm. Elle a gagné Miss Sky. Alors, elle performait dans le village. En 1768. Oui. Exactement. Je pense qu'elle était en compétition contre Mado cette année-là. Quand il y avait des dinosaures encore sur scène. Oui. Mais à un moment donné, elle se trouvait plus bookée dans le village parce qu'elle est weird, elle est politique, elle est trash. Et puis, elle voulait faire du théâtre. Alors, elle a conçu le House of Laureen comme troupe de théâtre où est-ce qu'on faisait des spectacles que nous, on écrivait. Surtout en anglais, ça aide pas non plus. Et puis, c'était toujours basé dans le drag et des choses comme ça. Mm-hmm. Alors, oui, on cherchait vraiment notre propre scène, mais parce qu'il n'y avait aucune place qui voulait ça dans ce moment-là quand on l'offrait. Alors, on a trouvé Café Cléopâtre où est-ce qu'on se trouvait en liberté de faire tout ce qu'on voulait. Et éventuellement, il y avait quelques-uns dans notre drag house qui se sont trouvés dans le village encore. On a fait des concours, des choses comme ça. Mais notre but, c'était d'avoir notre espace hors du village pour faire ce qu'on voulait. Ouais, puis une fois que j'ai vu le succès de nos pièces de théâtre au Festival Fringe, ben je me suis dit, pourquoi pas partir un show mensuel, un cabaret drag plus régulier, ce qu'on a fait. Puis après ça, ben justement, ça a roulé pendant 4 ans. On vient juste de faire la dernière édition du Halloween au Cléo. Oui. Mais c'est parce qu'on a d'autres projets qui roulent. T'sais. On a Covin, genre mon spectacle à moi, qui a été mon début de drag à moi. Ça va faire 1 an au mois d'octobre. Puis moi, j'ai commencé... Ou si je me trompe pas, t'as commencé avec Coven. Oui, oui, oui. La première affaire que t'as faite, c'est donner un show. Ouais, ouais. Mmh. Ben, justement, moi, j'ai quand même d'expérience en cirque, en théâtre. J'ai animé en tant que Noah God avec Uma. T'sais, c'est pas ma première fois sur la scène. Mais j'ai dit de commencer à faire la drague parce que je voulais monter mon show horreur, witchy, occulte avec Moxie. Puis, ben, j'ai juste parti le show, puis j'ai commencé à faire mon show. Puis, j'ai le privilège, justement, d'avoir fait beaucoup de travail avec House of Lorien à l'extérieur du village, d'avoir un following. Fait que je me suis dit, tant qu'à essayer de percer avec des compétitions dans le village, puis de monter ma carrière dans le village, je me suis dit, mais pourquoi pas partir de ça avec mon propre show? Ouais. Tu sais, rien de moins quand même. Ben, ouais, nous autres, on se faisait pas inviter nulle part, on a parti un podcast. Et voilà. Voilà. C'est pas vrai, t'as fait de la radio. Moi, je l'ai invité. Ouais. Mais. Mais vous avez pas vu ce qu'elle porte. Donc, ce que je comprends, c'est. Ce que je comprends, c'est que même House of Lorien, qui est votre, pour les gens qui ont absolument aucune idée, c'est quoi une house. C'est comme c'est a chosen family pour plugger un autre podcast. C'est une famille de drag. Souvent, ta drag mother, si je me trompe pas, c'est la première personne qui va te mettre en drag. Il y a des adoptions qui se font. Je sais que Oh My God adopte. Les drag kings qui gagnent à chaque année. Oui, Kings of Kings. I am the queen of kings. J'ai adopté les 3 derniers gagnants de King of Kings. Alors, c'est ça. A drag house, c'est vraiment comme tu as dit, chosen family. C'est partie famille, partie business. Mm-hmm. On est là pour s'aider, trouver des bookings, des perruques, des vêtements, tout ça. On est là pour se critiquer aussi parce que, tu sais, quand ton maquillage est vraiment croche, ben. Ouais. Qui d'autre va te le dire à part de ta sœur de drague? C'est mieux quand ça vient de la famille, quand même. C'est ça, exact. Que du public. Oui, c'est ça. Sur scène. Oui, my God. Mais dans le fond, House of Lorien, si je ne me trompe pas, c'est né dans Fringe. Oui. Oui. Donc, c'est carrément né en dehors du village. C'est une absolument. House qui n'a aucun rapport. On va s'en aimer, là. Il y a un rapport. La gang, on vous a invité ici pour vous dire que vous n'avez pas rapport. Thank you for noticing. C'est quoi le nom du podcast encore? Deux fifs le matin. C'est deux fifs le matin. Si vous n'aimez pas ça, c'est Richard Martineau, vous reçoit. Choisissez votre nom. Moi, je me demandais, est-ce qu'il y a plusieurs dragues qui font les deux scènes? Ou c'est quelques chanceuses qui vont réussir à se trouver des bookings? Quelques folles. Ouais. Ouais. Parce que ça prend le double du travail. T'sais, on va se dire les vraies choses. Là. Ouais. Parce que c'est deux mondes parallèles. Ils coexistent, mais il y a des univers quand même qui se côtoient, mais qui sont parallèles. Ouais. Fait que pour pouvoir faire ta place dans le village, ta place hors village, ben, il faut que tu fasses tes démarchages marketing dans les deux voies. Uh-huh. C'est ça. Parce que c'est pas juste comme throw a wig puis genre show up sur scène. Mais tu sais, c'est pas les mêmes producteurs. On s'entend que si tu veux faire un show au Mado, tu vas pas approcher Selma God pour qu'elle te book au Mado. Je travaille pas chez Mado. Je suis pas la productrice du Mado. Mais tu veux faire COVID. Mais là, c'est moi que tu vas venir voir pour faire COVID. Tu sais, on s'entend que c'est justement avec tes contacts, ton marketing, les gens que t'approches, tes cercles d'amis, tes cercles de consoeurs, confrères avec qui tu travailles, ben ils sont vraiment différents. Fait que c'est certain que ça prend le double du travail. Fait que ça se fait, mais c'est pas tout le monde qui fait ça. Je pense qu'à House of Lorien, on fait un bon pont entre les deux mondes, honnêtement. Parce que nous, on travaille justement, tu sais, surtout Uma travaille dans les deux. Anaconda La Sabrosa, elle travaille tout le temps chez Mado avant. Là, elle prend une petite pause, mais je dirais, elle était chez Mado, elle était avec nous à vos cocktails. Moi, je fais Mado, je fais... Tu sais, on se promène un peu partout. C'est certain que nous, on est souvent un pont entre les deux univers. Ouais. I am a bridge. You are a bridge. Non, parce que... Just like Fergie. Oh, mais là, j'ai pensé à la même chose. We're so gay! Yes! And here I am thinking like... Jean Cartier, like... No! Fergie Ferg. Oh, boy, boy. Bon... Ça va être bon pour notre premier segment. Nous autres, on s'en va au Café Cléopâtre siroter notre cold brew en appréciant l'art du pole dancing et on vous revient beaucoup trop caféiné. Fait que finalement, ça a fini en pyjama party avec les girls, puis Jess s'est ramassée à faire une danse à 10$, parce que même si c'est rendu 20$ partout, elle, à charge moins cher. Ouais, mais c'est parce que c'était moi. Et nous voilà de retour. Vous avez abordé beaucoup le fait, ce qui vous différenciait dans votre style de drague hors village, puis c'était beaucoup à quel point votre drague est politique. Puis moi, ça m'intéresse de creuser plus le comment on fait du drague politique, puis quel thème vous touchez à. On le fait avec beaucoup de talent. Yes! All right! Je confirme. Avec beaucoup de stress. Écoute. Ah oui, vraiment? Ah oui. Ben, tu sais, c'est parce que quand tu te trouves dans le monde de politique, justice sociale, les radical queers, tu sais, il y a toujours quelqu'un qui va te critiquer. Il y a toujours la chance que tu t'aimerais dire quelque chose, mais tu le dis mal ou n'importe quoi comme ça. Alors moi, je suis toujours stressée parce que I really, really care about these people and I care about these things. Alors, je ne veux pas du tout offenser quelqu'un. Alors, chaque fois que je fais un numéro qui est comme politique, ça me stresse, mais je le fais parce que I love it. What I want to do. Oui, oui. Mais c'est vrai que c'est moins safe que de tout le temps faire ton medley de Lady Gaga, puis qu'au pire, c'est juste que la personne trouvait que ton lip sync était pas assez on point ou que genre ta wig était pas assez gaga-esque. C'est t'sais? Ça. Et ouais. C'est ça. Je veux dire, à la fin de la journée, juste le fait qu'on fait l'art de la drague, c'est politique. Ouais. Juste en soi, c'est un statement politique. Ça va contre les genres, ça va contre les systèmes établis de la patriarchie. Je veux dire, veux pas, en soi, c'est une forme d'art qui est quand même politique. Je pense que nous, ce qui arrive, c'est qu'on le pousse au prochain niveau. Oui. On va amener ce qu'on fait au prochain niveau. Puis je pense qu'une grosse partie de ça, honnêtement, je pense que c'est une barrière du langage, déjà là. Parce que nous, quand on va écouter une chanson en anglais, moi, je vais entendre les nuances des paroles, puis j'entends ce qui n'est pas dit dans la chanson. Oui. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais jouer avec ces thèmes-là qui sont sous-entendus dans les chansons. Okay, une personne francophone ne va peut-être pas entendre notre deuxième, troisième niveau de la chanson comme moi je l'ai vu. Ça, c'est vraiment juste une question de langage. Fait que déjà là, on embarque dans d'autres choses. Là, parce que nous, on se permet de jouer avec les mots, avec les thématiques d'une chanson, puis vraiment de la pousser à son plus loin. Moi, il y a encore plein de tunes que je réécoute, puis que je suis comme, tu sais, que j'ai l'impression que je chante, mais que je peux encore juste dire les mots que je pense que je comprends quand je t'inquiète. Puis là, je suis comme, oh, wait, genre, là, maintenant, je pourrais écouter puis comprendre. Il y a ça, mais aussi, faire la drague politique pour moi, c'est que je trouve. On a une plateforme, tu sais, on a une plateforme qui nous est donnée ou qu'on prend. Puis pour moi, quand t'as une plateforme, quand t'as un micro, c'est important de faire quelque chose avec. Ça, c'est une valeur que j'ai personnelle. Je juge pas quelqu'un qui fait pas ça. C'est chacun son art. Mais pour moi, si tu me donnes un micro, c'est certain que je veux dire quelque chose d'important. Pas tout le temps, pas à 100% du temps, parce que I still want to entertain people, mais je veux prendre la chance que j'ai d'être devant un public pour faire circuler un message qui est important. Un exemple de base, on faisait Juste pour rire, pas cette année, mais l'année passée, j'animais le spectacle, puis durant le spectacle, j'ai fait une blague, puis ma blague, j'ai fait « elle pourrait être mal perçue », tu sais. J'ai dû me suite arrêter, j'ai dit « Écoutez, make sure you get consent, though. » Parce que c'est une blague qui a un caractère qui pourrait passer un peu sexuel, c'est sous-entendu, puis j'ai fait « But get consent. » Puis il y a un gars dans la foule qui a fait « Bouh! » Oh boy! Fait que j'ai juste arrêté, j'ai fait « Pardon, qui vient de faire bouh? » Puis là, c'était silence dans la foule, évidemment. Puis j'ai fait « Non, non, c'est parce que le spectacle continue pas tant que tu t'en vas pas. » Ouh! I said, consent is mandatory. Wow, this is not a joke. Wow, that's my kind of queen. Mais justement, prendre le temps de faire ces choses-là, pour moi, c'est un moment que ça aurait pu kill the mood dans un show, mais c'est tellement important dans mes valeurs. Ouais, puis c'est toi qui es on stage, c'est toi qui es regardé, puis si tu le laisses passer, ben tout le monde enregistre que c'est correct de laisser passer ça dans un espace public aussi, tu sais. C'est ça. Mais ça, c'est plus du côté comme vraiment politique, tu sais, noir sur blanc. Mais aussi des choses plus subtiles qu'on fait qui... Souvent, les choses qu'on trouve qui est le plus politique, c'est les choses qu'on fait pas. Ouais. Dans notre communauté, il y a souvent des gens qui vont dire qu'ils se sentent pas confortables dans tel espace parce qu'il y a des blagues qui se font sur plusieurs sujets. Oui. Alors, nous, House of Laureen, dès le début, on était toujours politique. C'était notre nom, House of Laureen, ça vient de Laureen Harper. OK. C'était vraiment... Not because we love her. It was a joke. It's a bad joke. Non, mais est-ce que tu peux nous donner une petite history class pour nos auditeurs qui ne savent pas c'est qui? Laureen Harper, c'était la femme de Stephen Harper, le premier ministre. Puis dans le temps, on a fait notre premier spectacle, c'était Laureen, Queen of the Tundra. Et c'était une pièce de théâtre basée sur l'identité canadienne, le genre et le drag. OK. Et puis c'était vraiment. On critiquait beaucoup Laureen puis les Stephen. Conservateurs. Oh my god, il y a des grosses rumeurs comme quoi elle serait lesbienne. Oh oui, on sait. Oh my god, I fucking live for that shit. We had a whole scene about it. OK, parfait. Wouhou! Alors, dès le début, on était très politique dans, ouais, dans nos approches. Et puis, ça veut dire que dans nos spectacles, on faisait toujours attention de ne pas être oppressif dans plusieurs manières. Ouais. Et des gens vont le... Les gens à qui ça concerne vont le remarquer. Mais la plupart des gens vont pas. People don't notice when you don't do something. Oui, c'est ça. I noticed. Ouais, ouais, ouais. C'est là où je m'en allais. On se rappelle à la Pride l'année passée. On va donner un exemple de qu'est-ce que ça veut dire des drags qui disent des affaires de marde. Ah oui. L'année passée à Pride, la personne qui animait Drag Superstar, qui est toujours le show le plus plate de la Pride, la personne qui animait, c'était Bianca Del Rio. Pour les gens qui savent pas c'est qui Bianca Del Rio, c'est probablement la personne la plus hateful du monde de la drague. Et elle se sert un peu de ce prétexte de hatefulness pour faire des jokes sur des sujets qu'on ne fait pas, notamment le viol, ce qu'elle a fait l'année passée. Ça a vraiment... Il y a comme la moitié de la communauté qui était comme « c'est pas grave », la moitié de la communauté qui était comme « non, non, non, non, non, non, non, c'est de la merde ». Et moi, c'est une des choses que j'ai remarqué en allant au spectacle. Il n'y a pas de fatphobie, on va faire des jokes, c'est grosse. Il y a beaucoup d'oppression qu'on entend dans des jokes qui sont un peu classiques dans, oui, l'univers de la drague. Ça fait partie de l'univers de la drague. Personnellement, c'est pas mon style préféré, mais il y en a qui aiment ça. C'est à questionner. Mais c'est ça. Moi, je l'avais remarqué. J'ai dit, mais mon Dieu, c'est un humour qui est complètement différent. Ouais. Des fois, c'est self-deprecating, a little bit, mais jamais négatif. C'est jamais hitting on me. Ben, souvent, c'est ça qu'on dit à ceux qui vont prendre le micro qui ne sont pas partis de House of Lorraine. Nous avons invité même Kitana Sweet du village, qui, ouais, est connue pour être offensive au bout. Même Kitana. Mais, non, mais on l'a invitée, puis elle a, oui, pris le micro, puis on a dit, check, tu ne peux rien dire sur la race, le genre ou les corps de notre audience. Jamais, jamais, ouais, jamais. Mais on a dit, si toi, tu veux parler de tes couilles qui sont comme dans tes fesses en ce moment, ben vas-y, mais tu parles, ouais, jamais des parties privées de notre audience. Oui. You can always talk about yourself. Ouais, ouais, ouais. Ça, t'as le droit de faire, mais c'est ça. Alors, les choses qu'on fait qui sont politiques, des fois, c'est même pas dans un numéro, c'est même pas dans notre animation, c'est ce qui n'est pas là, qui le rend une action politique de notre côté. Ouais. Puis, comment ça se reflète, ça, dans votre public, en fait, quand vous regardez... Ben, parce que j'imagine que vous connaissez votre public, vous avez un gros following. On a un public? En quoi votre public est différent puis d'un public que tu aurais dans un bar au village? Pour moi, la plus grosse différence, c'est que c'est une communauté. Ouh. Oh. Je dis pas que les gens qui vont au Mado, c'est pas une communauté. Non, of course. La, non, différence, c'est vraiment que nous, c'est comme une famille. T'sais, j'ai des gens qui viennent voir nos shows que c'est pas mes amis, je les vois pas en dehors des shows, ils m'ont juste vu en drague, mais qui m'écrivent à 2h du matin parce que ça va vraiment pas bien. Oh my God. Puis j'aime mieux que quelqu'un prenne le temps de m'écrire moi, ouais, que d'être, de se sentir tout seul dans son, oui, coin. Ouais, ouais. Honnêtement, puis je dis pas que j'ai le temps pour régler les problèmes de tout le monde dans ma vie, mais juste les gens qui aient ce réflexe-là, qui savent que hey, c'est une drag queen sur une scène, mais si ça va pas, je vais y écrire. T'sais, juste le fait que les gens ont ce réflexe-là, ça montre qu'on a bâti une vraie communauté, ouais, une vraie famille avec nos spectacles. C'est ça le but pour moi, je pense, qui fait une grosse différence, c'est ça. Je sais que pour moi, il y a beaucoup de... je sais pas comment dire en français. There's a lot of trust. Oui. Mmh, ouais. Le fait qu'on a déjà fait les démarches pour montrer qu'on est un groupe... we're aware. T'sais, on, oui, voit, on est vraiment comme... Oh, I've got it. Mm-hmm. It's all right. Rewind. Comme on est un groupe qui est connu pour notre politique, les gens nous croient déjà. Et si jamais il y a quelque chose qui arrive, les gens ne sont pas contents. On dit quelque chose, on performe dans telle place, t'sais, n'importe quoi qui arrive, il y a beaucoup de gens qui vont nous parler. Ouais. Ils vont venir nous voir, puis c'est pas nécessairement pour pointer le doigt puis dire « vous êtes la merde », c'est vraiment pour dire « mais qu'est-ce qui s'est passé? Explique-toi parce que, ouais, je me sens moins confortable qu'avant et je veux rester avec vous ». C'est vraiment des gens qui croient en nous et puis qui sont là pour, comme Selma a dit, like, we're there to uplift people. Mm-hmm. Ouais. Puis qui savent aussi que vous êtes dans un projet politique d'inclusivité, puis qui veulent vous aider là-dedans, qui sont pas dans un truc de comme vous call out puis dire que vous êtes fucked up parce qu'ils savent que c'est votre intention aussi, puis ils veulent vous aider là-dedans. Je pense que la façon qu'on pourrait le décrire aussi, c'est que nos spectacles, notre public, à nous, ce qu'on a avec notre public, c'est un dialogue. Ça va dans les deux sens. Nous, tu sais, on va sur scène, on montre un spectacle, on fait quelque chose, mais après ça, moi, je veux entendre ce que le public a à dire. Je veux voir, ouais, ce que le public a à me dire. Je veux faire un échange avec eux. Je veux avoir leurs idées, je veux avoir leur feedback. Puis avec ça, mais moi, je vais bâtir un autre show, je vais sortir d'autres, oui, choses. C'est vraiment un dialogue qui va dans les deux sens. Ouais. Mais si tu vas chez Mado, tu vas là, you go there to be entertained. Tu veux t'asseoir, tu veux regarder un show, puis t'en aller chez vous, pas te casser la tête. Ouais. Puis les deux sont vraiment valides. On a besoin des, oui, deux. Il y a des journées, moi, je vais voir un show, puis juste avoir du fun pour, ouais, oublier ma vie de merde pendant 10 secondes. Ouais. Puis c'est tout aussi powerful. Mais ce qui est une grosse différence avec nos shows à nous, c'est que nous, vraiment, on est là pour faire un dialogue avec notre public, pour bâtir justement cette communauté-là. Puis c'est de même qu'on le fait. Mm-hmm. Quand on regarde Coven, par exemple, j'ai le runway à chaque show de Coven, qui est un moment. Parler, oui. Ouais, tu sais, qui est un moment que moi, je trouve à chaque fois, c'est mon moment préféré du show, ce qui peut paraître peut-être niaiseux. Mais c'est le moment où est-ce que tout le monde qui est dans la salle, qui veut faire un runway, fait un runway. Tout le monde a son petit 10 secondes sur la scène. Puis on fait tout ça ensemble. Parce que c'est pas juste nous les stars du show. Si on serait, tu sais, si on n'a pas le public dans le show, nous on n'est pas là non plus là. Mm-hmm. Puis c'est un moment que ça valide tout le monde. T'es vu, ta communauté te supporte, t'es encouragé. Oui. Puis y a pas de jugement sur ce que tu fais sur la scène. On est vraiment là juste pour avoir du fun ensemble. Puis c'est si tu veux le faire. Exactement. Tu vas pas être mis sous le spotlight parce que la drag queen a décidé de faire une joke à propos de toi. Non. Non. Mais en plus, comme c'est un dialogue, vraiment, il y a des moments... Il y a des gens qui pensent que comme des dragues politiques, on se prend pour quelqu'un important. Ou, ouais. Mais non, mais vraiment, il y a des moments où est-ce que la communauté nous a pris de côté et vraiment, like, they let it loose. Tu sais, comme, ils étaient pas contents avec quelque chose qu'on a fait. Alors, même nous, on fait des erreurs. Absolument. Oui. Alors, le dialogue, on c'est pas tout. Juste pour dire comme, ah oui, tu sais, on vous a invité sur scène parce qu'on vous aime, puis c'était un dialogue. Non, mais vraiment, il y a des moments où est-ce que les gens sont pas contents avec nous, puis on le prend sérieux, très sérieux. Mais je comprends aussi, c'est-à-dire que souvent, quand tu fais quelque chose avec une perspective politique, tu vas te faire accuser d'être comme plus pédant ou de te prendre pour quelqu'un d'autre. Mais en même temps, c'est vrai que ben, quand tu commences à faire du drag politique, t'es en train de dire aux autres drags, mais qu'est-ce que vous faites de politique aussi? Puis est-ce que vous vous questionnez à propos d'enjeux quand même importants? T'sais, on parle de comme point out des gens, genre dans le public ou des trucs de même, tu sais. Genre, moi, des fois, en tout cas, tu sais, voir des shit racistes dans un show de drag, comme c'est pas non plus étranger, là. Tu sais, comme j'aimerais ça que ce le soit, mais tu sais, c'est vrai qu'en même temps, ça comme. Arrive. C'est pas. Je pense pas que c'est un truc de comme penser qu'on est mieux que quelqu'un d'autre, mais je pense que d'ouvrir ces conversations-là puis de se dire qu'on peut s'observer, c'est aussi correct, puis c'est pas non plus pour comme menacer les autres, mais c'est aussi pour essayer de créer juste un monde meilleur. Et comment on a un dialogue qui est vraiment cool avec notre audience, tu sais, il y a des moments où est-ce que les gens ne sont pas habitués à nous voir bitcher quelqu'un dans l'audience, mais ça arrive, mais c'est parce qu'on a des amis dans l'audience, oui, les faire chier. Of course. Mais tu sais, les gens sont, des fois tu l'entends, sont comme, whoa, wait. Mais là, on va dire, oh non, c'est notre ami. C'est surtout au Cléo, il y a Glam Gam, c'est un troupe de burlesque trash. Puis on les adore. Puis quand ils sont là dans notre audience, on les... Oh, we're so mean to them. Parce qu'ils crient sur nous, puis ils lancent des affaires, puis ils font des blagues. Mais oui. Alors, tu sais, c'est vraiment cool parce que, oui, à un moment donné, tu vas dire, ben là, j'ai rien que je peux dire devant personne parce que blablabla. Bla, bla. Non, mais c'est pas vrai. C'est juste que tu dois choisir les bonnes personnes qui sont déjà au courant des règles de votre jeu et vous respecter ses limites. Parce que j'ai des commentaires de trash que je peux faire sur Kitana puis Butterfly dans le village, mais je me permettrai jamais de dire sur Mado ou sur Rita ou sur n'importe qui. Parce que moi, Kitana et Butterfly, on se comprend. Ouais. We know where the limits are. Ouais. Alors, c'est vraiment juste ça. C'est qu'on doit se mettre encore un peu plus dans notre communauté en place d'être des reines. Ouais. Et ça nous permet vraiment d'avoir tout ce qu'on avait avant, mais avec moins de conséquences négatives. Oh my God, I hope you'll be mean to me one day. Je pense que c'est un mythe que moi, je voudrais qu'on défasse aussi, c'est rapidement, c'est dire que parce que c'est politique, c'est plate. Oh, vous enlevez, on peut plus rien faire, on n'a plus le droit de faire rien parce que c'est toujours pas correct. Regarde, c'est pas vrai, là. Mon premier show Coven, mon premier numéro que j'ai fait à vie en tant que Selma, quelqu'un a perdu connaissance. Je dis ça de même. Ouais! Non, ben moi, je voulais dire une dernière affaire aussi, je pense que j'aimerais ça revenir là-dessus, c'est que c'est une grosse différence entre les deux scènes, c'est qu'effectivement, on sent qu'on peut vous parler. On a beaucoup tourné autour de ça, puis c'est vrai que ça fait une grosse différence parce que. Bon, là, maintenant, à cause de Deux Fifs le matin, je pense que j'ai parlé avec toutes les drag queens de Montréal sur Instagram. ça finit plus. J'en suis très reconnaissant, d'ailleurs. On s'excuse qu'ils vous harcèlent. Je les ai likés, je leur ai parlé. Non, mais c'est con, mais au début, c'était du networking. Puis en ce moment, ça feel vraiment plus comme une connexion avec ma communauté. Tu sais, au début, j'étais comme, je vais aller liker, m'aller dire aux monde qu'ils sont belles. Puis à un moment donné, j'étais comme, je trouve belle pour vrai. Si tu m'allais voir en show. Fait que c'est pas mal comme ça que ça a commencé. C'est pas mal ça qui finit notre segment. Nous autres, on s'en va monter les 144 marches du Diving Bell Social Club en talons pour payer un hommage à ceux qui doivent endurer nos drags préférées et pour digérer nos 17 cafés. On vous revient dans 30 secondes. Monter les 12 000 marches en talons, c'est une chose, mais essayer de les redescendre avec un café dans les mains, pas facile. Oh non! Parce que monter des marches en talons, c'est une chose. Descendre des marches en talons, c'est vraiment une autre gig, je peux vous dire. Point final, même sans un café. Essaye avec tes valises maintenant. Oh! will not. Un peu off the mic, on avait parlé un peu des concours qui se font dans le village. C'est un peu la façon souvent de se faire connaître comme drague. Bon, c'est sûr, tu te pars un Instagram. Oui, avec tes trois photos, puis là, tu prends une pause. Voilà. Puis là, t'attends. Puis t'espères que ça vienne. Y a quand même certains concours qui se font dans le village. Et je me demandais... Puis il y a aussi des concours qui se font en dehors du village. Absolument. C'est vrai, cette année, on avait Mick Squirdo. Oui, puis on a aussi King of Kings. Kings of Kings, effectivement, c'est vrai. J'ai vu le premier, j'ai pas vu le deuxième. Malheureusement. Et je me demandais un peu, en dehors du village, où, est-ce que vous avez participé d'ailleurs à des concours? Je connais la réponse. Ouh! À peu près. OK. Ben, moi, quand j'ai commencé le drag, c'était hors du village, vraiment, avec aucun intérêt de continuer après le pièce de théâtre. Ah ouais, OK. Ah ouais. Vraiment. Ah ouais. Mais j'ai beaucoup aimé ça. Puis là, ma sœur de drag, Anaconda La Sabrosa, m'a convaincu de faire Drag Moi, qui est le concours chez Mado. Oui. Et c'est vraiment intéressant. C'est comme 14 semaines avec des défis malades mentales. Marla Deer, qui est la conceptrice, est vraiment... T'es-tu capable de me donner des exemples de défis que t'as faits, mettons? Pour qu'on ait une Dieu. Idée. Je m'en rappelle même plus de mes défis. Ça va prendre des années de thérapie pour que ça refasse surface. Ah! Oh, oui, c'est vrai. OK, ben il y avait le défi de make-up où est-ce que tout le monde avait comme un era. Oui. Alors, tu sais, les années 60, les années 70, 80, whatever. Et moi, j'avais le préhistoire. Oh, God. Alors, la préhistoire! Alors, j'étais clairement la plus belle femme caverne que t'as jamais vue. Ah, mais tu sais, il y avait un défi qui c'était débrouille-toi. OK. Alors, ça, c'est... Tu arrives et n'importe quand pendant la soirée, Marla avait le droit de te dire « Hop, en passant, il y a quelque chose qui arrive maintenant. » Alors, tu sais, on avait donné trois tunes ce soir-là. Normalement, t'en envoies une. Elle a dit « Tu me donnes trois. » Parce qu'il y avait une fille, la tune était trop vite. Elle monte sur scène, comme tout est normal, puis là, elle découvre « Paf! » Sa tune est trop vite. Une autre, c'était la mauvaise version. Un autre, c'était le remix. Moxie Hollow, qui a fait Drag-moi avec moi, ben, elle monte les escaliers et puis Marla dit ben, « Redescends parce que ton costume vient juste d'exploser sur toi, alors il faut que tu trouves une autre costume dans 30 secondes. Oh. » Et pour moi, j'ai arrivé au début de la soirée, je rentre dans les loges chez Mado puis Marla dit « Ah, oh, je suis vraiment désolée, Uma, mais t'as oublié tout ton maquillage chez toi. » Non! Oh my God! Mais, j'étais quand même smart. Elle voulait que je prenne tous les morceaux qui traînaient partout de tout le monde pour faire mon maquillage, mais j'ai juste dit non, ça va. J'ai appelé Selma chez nous. Yes. Et j'ai dit, ben, amène-moi mon maquillage. Alors, Selma est allée dans le métro avec un sac vide. Puis elle est venue jusque chez Mado. Elle m'a donné mon sac vide, puis là, je me suis maquillée avec mon maquillage, 30 minutes en retard. Quand même, tu t'en es bien tiré. Ben, moi, rendu là, moi, j'aurais voulu la tune plus rapide. Là. Je suis comme, OK, moi, lip-syncé plus vite, là, mais comme faire mon maquillage avec genre des fins de peau de tout le monde. Là. Mais c'est ça. Alors, il y a des défis vraiment drôles, des choses qui sont. Ils te forcent vraiment à être créatif. Puis, est-ce que ça fonctionne avec une fille éliminée chaque semaine ou les 14 restent tout le long? Des auditions, je pense, à il y a des il y a des auditions au début, il y a la finale, mais tout le monde est là pour tout le long. C'est la seule raison que j'ai resté. C'est la même chose pour Miss Cocktail aussi. Oui. Miss Cocktail, tout le monde jusqu'à la fin. Ouais. La différence maintenant, c'est que Miss Cocktail, eux, ils font vraiment comme une école. Ils sont vraiment là, tu sais, t'as des workshops à chaque semaine. Ah. Fait que, tu sais, t'en as un qui, comme chez Mado, c'est vraiment, ils te lancent dans le deep end. Tu sais, ils te pitchent dans la piscine, là, puis ah ouais, go! Puis t'apprends. Oui. Mais quand t'es chez Cocktail, les autres sont vraiment là, ils vont s'asseoir avec toi, on prend le temps qu'ils voient. On a deux ateliers sur le maquillage, on a deux ateliers sur comment être animatrice, on a deux ateliers sur la couture. Cool. Fait que c'est vraiment deux compétitions complètement différentes, mais qui vont t'apprendre à te débrouiller de façon très, très, très différente. Ah. Puis après ça, ben, certain qu'il y a les nouveaux compétition à nous. Oui. Hein, on a Mick Squirdo. Oh my God. Si vous voulez faire la drague vraiment weird, trash, puis vous êtes game de faire nos défis, on va le dire tout de suite. Puis on a King of Kings, genre, parce qu'on trouvait que ça prend plus de place pour les Kings dans notre communauté. Définitivement, parce qu'il y en a vraiment des très bons. Je connais deux de tes fils, Uma. Je connais Slick Hardwood. Slick Hardwood, oui. Charlie Deville. Il manque le premier. Biggs O'Toole. Oui, Biggs O'Toole. Maintenant, voilà. qui vient juste de déménager à Calgary. Alors, t'as manqué ton shot. Voilà. Ben, je peux toujours aller à Calgary. Est-ce qu'il performe encore? De moins en moins, mais il est toujours là dans mon cœur. OK, parfait. Oh. Ouais, c'est pas un milieu facile. Tout le monde va pas nécessairement faire 30 ans de carrière dans la drag. C'est très demandant. Là, moi, je me demandais, qu'est-ce qu'on voit pas assez sur la scène du village? Que vous aimeriez voir ou qu'on devrait voir en général? Moi. You took my answer. Okay. All right. Okay. On ne voit pas assez Selma God, first of all. First. Couldn't agree more. I love you. Yeah, thanks. Moi, je dirais juste pas. Il faut toujours. You always have to walk on eggshells. Oui. Or I always have to. Parce que je veux pas être insultant, mais je veux voir plus de variété. Oui. Pas nécessairement parce que ce qu'ils font n'est pas assez bon, mais ouais. Parce que j'aimerais voir plus de variété. Tu sais, le RuPaul's Drag Race, c'est incroyable, mais de voir une soirée de Dragula, c'est complètement autre chose et c'est le même niveau de qualité, ah c'est oui, le même ouais, niveau oui, de oui. talent. Alors, ouais. C'est juste ça que je veux dire. Variété, c'est incroyable. J'adore ça. Alors, je veux voir des drags trash, des drags non-binaires, des drags oui. burlesques, des drags cosplay, des drags... Tu sais, tout ça. Et pas nécessairement un drag qui décide de faire un look de cosplay. Il y a ouais. des drags qui font que ça. Oui. Et j'aimerais voir plus une chance pour leur voir vraiment dans leur élément. Oui. Vraiment, that's what I want. Moi, je pense que sur une note sérieuse, c'est pas un commentaire que j'ai juste sur la scène du village. Je pense que c'est un commentaire juste sur la scène des arts en général à Montréal. C'est plus de diversité. Ouais. Puis ça, c'est quelque chose qu'il faut travailler dessus ensemble. Je veux dire, tu sais, moi ou moi, on est deux blanches. Tu sais, oui. c'est la réalité des choses, là. Mais je pense de parler avec les communautés puis voir comment on peut faire plus d'espace pour eux, comment on peut les aider, comment on peut faire de la place pour des gens. Parce que je pense que c'est important qu'on ait une plus grande diversité, que ce soit corporelle, ethnique, juste plus de diversité sur oui. nos scènes, je pense que c'est juste avantageux pour tout le monde. Pour justement, dans le type d'art, oui, mais aussi dans le type de gens qui font leur performance, je pense que c'est super important. Absolument. Et, tu sais, faut que je dise un bravo à Rita Baga, justement, parce que les nouveaux mardis, depuis qu'elle les prend, elle prend le temps justement de faire des casting calls. Oui. Les drag queens envoient leurs idées, elles s'assurent de booker des gens différents. Je veux dire, on voit déjà une différence. Ça va faire un an là, qu'elle fait les mardis. Qu'elle fait les mardis, oui. Tu sais, je veux dire, nous, on essaie toujours de faire de la place aussi, de lancer des perches aux gens, d'aller le plus qu'on peut. Je pense que c'est quelque chose qu'on retravaille tout ensemble en tant que communauté, en tant que ville même, je dirais. Là, c'est dans le milieu des arts, je pense qu'on a plus de diversité. C'est une des choses que je trouverais qu'il faudrait avoir. Tu sais, on a beaucoup dit drag king, drag queen, drag non-binaire, drag... Ouais. Moi, j'ai découvert ce mot-là à Coven, le mot shapeshifters. Oui, c'est un des termes préférés. Ah, c'est malade parce que je pense à un numéro en particulier à dernier Coven, c'était Phoenix Inanna. Oui. Gros make-up de lézard. Vraiment, là. Aucun vêtement. Le make-up, c'est de head to toe. Puis je veux dire, c'est pas un gars, c'est pas une fille, ça a pas de genre. Ouais. Thank you, God. Enfin, quelque chose qui a pas de genre. No problem. I did that. Puis on en voit. En tout cas, je veux pas m'avancer sur un terrain que je connais peu, mais on voit pas grand-chose qui. Sort de female impersonation, male impersonation. C'est encore, à mon sens, encore un peu binaire sur la scène du village. Oui. Ça, c'est quelque chose qu'on a la chance. Parce que souvent, je vais dire chez Mado, mais ça, c'est dans n'importe quel village, ouais. n'importe quelle ville, n'importe quel... C'est vraiment souvent, l'audience est composée de beaucoup de femmes des banlieues qui veulent voir un homme dans une robe. Oui. C'est vraiment basic parce qu'ils vont comprendre ça, air quotes, oui. comprendre. Mais plus accessible. C'est plus accessible pour tout le monde. Mais hors du village, comme c'est nous qui contrôlons tout, on a la chance de faire n'importe quoi. Alors, on a des gens qui vont faire des idées. Phoenix Inanna encore fait un numéro de démonesse qui prend le bébé Jésus. Elle est complètement nue, avec des cornes. Elle est peinturée rouge. Elle est incroyable. Puis c'est... Ça m'a like I've got chicken. I've got chicken skin. Chicken pox. I have goosebumps just thinking about chicken it again. C'est notre dernier épisode skin. Pour un bout de la gang. On a tout pogné à salmonelle à cause du magot. Ouais, désolé. Mais tu sais, on a la chance vraiment de faire ce qu'on veut et. Oui, on se démarque comme hors village, mais notre but, c'est pas de rester là nécessairement. Notre but, c'est de montrer que c'est aussi valide, c'est aussi apprécié. C'est oui. ça qu'il faut. Alors, c'est là qu'on va trouver plusieurs choses d'étranges. Mettons, on voit un peu plus de gender bending chez Mado, avec des numéros qui sont un peu plus gender fuck. Oui. Mais on pourrait voir encore plus. On pourrait voir des couleurs de peau différentes, des grandeurs de corps différentes. Oui. We could see, you know, people with different abilities. Tu sais, tout ça, ça pourrait être facilement sur scène. Oui. Et oui, maintenant, on le fait plus facilement hors du village, mais c'est vraiment... pour faire les preuves que ça peut être n'importe où. Oui, oui, puis je pense, ça fait une couple de semaines, mais il me semble que j'ai vu, je sais pas si c'est une soirée thématique qui revient, mais j'ai vu une soirée, bon, j'aime moyen le terme, mais androgyne, chez Mado. Oui. Mm-hmm. Puis déjà, j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est pas quelque chose qu'on voyait souvent, puis j'ai regardé les artistes qui étaient là, j'étais comme, ah, OK, ça va être un peu viré sur le top, si on veut. Puis... Ce que j'ai aimé, on a parlé de Phoenix Sinana et de Slick Hardwood dans le même épisode, c'est la même personne. Oui. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce qu'il y a aussi des gens, puis ça, j'avais jamais, honnêtement, c'est peut-être moi qui n'ai pas au courant de ce qui se passe sur la scène, mais j'avais jamais vu quelqu'un avec plus qu'une persona de scène. Ben, je veux dire, il y a déjà moi. Je fais Noah God quand j'anime avec Uma pour les festivals de burlesque. Ah oui? Mais oui. Avec ma barbe à paillettes. Ah! Et après boom. Ça, j'ai Selma God quand je fais mes shows de drag. Boom. Et moi, je suis Uma God en drag. Et quand je suis en sœur de perpétuelle indulgence, je suis sœur Sissi Fifi Oui Oui Hon Hon. OK. Alors, il y en a plusieurs okay. qui ont... T'sais, on a donc, plusieurs que prévu, c'est moi qui n'ai pas au courant. Mais si, souvent, si on fait notre travail comme il faut, tu ne vas jamais savoir. Oui, exact, exact. Oui. Ouais, c'est une transformation souvent. Surtout dans vos deux cas, votre make-up de drague, c'est pas le almond shape, cat eye qu'on voit un petit peu partout. Mon make-up il est subtil, je ne sais pas de quoi tu parles. Moi, je n'en porte pas. Non. I woke up like this. OK. Oh my God, c'est quintessential fishiness. Mais, no, we don't say that. Mais pendant qu'on est justement that. Sur l'espèce de comme mainstream de non seulement des ben, tu sais comme du maquillage mais aussi des cheveux, l'apparence, comme comment va la scène montréalaise à l'heure de RuPaul's Drag Race? Qu'est-ce que ça a comme impact sur une scène locale? Première chose, c'est qu'on est plus hot que les filles de RuPaul's Drag Race. All right, je veux confirme. Dire ça. Honnêtement, je veux dire ça parce que la scène montréalaise, on est chanceuses dans le sens et chanceux. On a des cabarets. Ouais. On n'est pas juste des bars où est-ce qu'il y a de la musique à fond, puis une drag queen qui sort, elle fait une tune, elle s'en va. Oui. On a un cabaret où est-ce que les gens viennent s'asseoir oui. pour voir un spectacle. C'est vrai. Puis je pense qu'on est pas mal une des seules places, j'irais même presque à dire au monde, qu'on a cette dynamique-là qu'on a ici au Québec, à Montréal, oui. d'avoir des spectacles cabarets pour des ouais. drags. C'est absolument incroyable. C'est la seule place, je peux penser que c'est Vegas, honnêtement. Là. Ouais. Mmh. Parce que autre que ça, tu sais, puis justement, ça crée qu'on a, on a une scène où est-ce que les gens ils se permettent beaucoup plus de faire de la théâtralité, de monter des personnages. Que tu vas à Toronto, là, t'es une drag queen, tu fais 12 ah tours dans, dans une soirée. Ouais. Athletes. C'est des athlètes olympiques, ça n'a pas de sens. Ouais. Nous, on fait un numéro. Ouais. Ouais. C'est parce que tu vas pas emmener la même chose. Si je faut que je fasse 12 tunes, là, je vais pas emmener le même numéro que si je fais hey, une tune. 12 fucking ouais. tunes. Je pourrais pas faire 12 de mes numéros dans une soirée, je serais morte. Ouais. Avec les props, les costumes, les petits. Ah, là, ça ne ferait aussi. Pas sens. Ouais, ouais, mais en ouais. même temps, je serais prêt à faire ce que les filles de Toronto font. Fait que c'est très différent. Il y en a pas un, encore une fois, c'est pas un mieux que l'autre. C'est juste non. très différent. Je pense oui. que la scène montréalaise, on a la particularité d'être très, très, très théâtrale, okay. d'avoir un public qui est prêt à ça. Ouais. Fait que ça, je pense que nous, à Montréal, on s'en sort très bien. Puis on a pu le voir justement dans le spectacle de mi-temps des Drag Superstars. Je pense que les artistes locaux, ils ont vraiment montré que Montréal, on sait ce qu'on fait. Ah oui. Parce qu'en tout cas, en tout respect pour les drags de RuPaul's Drag Race, en tout cas, moi, j'en regarde beaucoup des shows drag dans la vie, puis j'ai vraiment pas aimé ça. Ben, on s'entend que. Ils sont là pour comme moins que 12 heures des oui. fois. Ils ont une valise, ouais, j'avoue la grandeur c'est... de ma gueule. Tu sais, ouais. c'était assez grand, oui. mais... so pretty mais, big. It's a different reality. Oui, oui, mais oui. il y a beaucoup qui a changé depuis que Drag Race a commencé. Parce que, oui. tu sais, on... Oui, parce que là, on a posé la question comment va la scène drag depuis le post-Drag Race. Puis là, oh my God, elle est partie les bras dans les airs, je pense que... oh mon Dieu. Ben, c'est parce que là, dans le temps, même moi, j'étais même pas là... à ce point-là, ni en gars ni en femme. Mais on entend souvent le... oh God, la tendance de ombre à paupières, bleu, shimmer, jusqu'aux sourcils, parce qu'il y avait le moitié qui ne couvrait pas ses sourcils. Ou si oui, c'était même aux sourcils nouveaux, avec des beauty lashes. Tu sais, maintenant, il faut que tu portes des 301 avec tes lashes. Ça, c'est les méga gros, longs, qui sont courbés, amples. Ben, dans le temps, c'était des beauty lashes qu'on achète, les Ardell chez Tu en mettais. Si tu en mettais. Avec des shake and go, puis du rouge à lèvres brun, contour brun foncé. C'est ça. Et ça, c'était vraiment comme t'étais hot. Les gens voulaient des photos, les gens t'arrêtaient dans la rue. C'était vraiment... Puis ça, c'est Rita Kitana, c'est eux, tu sais, ça fait pas si longtemps. Ça fait juste 10 ans de ça. Ouais. Et depuis, on a augmenté. Maintenant, tu regardes les looks de Rita Baga qui est coiffée, qui a ses robes de Mado, Michel. Tu sais, ça, c'est les tops des tops, mais même les autres, on va dire... Les attentes du public sont hautes maintenant. Ouais. Heaven Genderfuck, qui fait tous ses vêtements, sont incroyables. Oui, je sais, c'est l'enfer. Ben, c'est tellement ça. Ça, c'est juste en 10 ans, on a transformé tellement, c'est comme, like, it's unrecognizable. Oui. Mais le truc, c'est que vous recevez pas plus d'argent au final. C'est ça. Les attentes sont plus élevées, mais vous êtes pas mieux payé, vous êtes pas... Est-ce que c'est plus facile d'en vivre à Montréal maintenant que RuPaul's Drag Race est là? Non. Non. Ben... Peut-être. Attends. C'est parce que maintenant, dans le village, on est payé le même qu'on était payé là 20 ans. Ça, c'est confirmé par les drags qui étaient là 20 ans. Damn. Mais comme les drags hors village, nous avons maintenant, comme le drag est plus mainstream, nous avons trouvé des lieux qui nous acceptaient, qui n'étaient pas prêts avant. Ouais. Alors, oui et non. Tu sais, on a plus d'argent parce que... Air quotes. On a plus d'argent... C'est difficile, les podcasts, pour ça. Oui. On a plus d'argent parce que maintenant, j'ai des bookings au Wiggle Room. J'ai des bookings ici, puis là, puis Just for Laughs, puis blablabla, le Festival de Fringe. Ouais. Mais c'est pas payant. Je suis pas millionnaire maintenant juste à cause de ça. Non, mais surtout pas quand tu considères les dépenses qu'il faut que tu aies à cause que les gens ont des attentes hyper élevées. C'est là la réalité de la chose, c'est que nos salaires n'ont pas augmenté en conséquence de ce qu'on doit livrer. Ouais. Ça, c'est la pure vérité. Là. Puis, c'est vrai d'un point de vue local, mais ça a touché, je pense, l'univers de la drague au complet. Maintenant, j'écoutais un show sur YouTube, puis il y avait Varla Jean Merman, qui est une drag queen américaine, qui est de la génération de RuPaul, puis que si RuPaul n'avait pas eu un TV show, ça serait pas mal le même standard de vedette, là. Ah oui. Puis c'est ça qu'elle dit. Elle dit, moi, ça fait 10 ans, moi, j'ai jamais mis de contouring de ma vie. Et depuis RuPaul's Drag Race, si tu mets pas de contouring, les gens, ils capotent, ils trouvent ça laid. Ben, ça qui, en plus... Mais, en tout cas, ils critiquent. Ça qui est en... Ça, c'est pas que ça me stresse, mais je suis légèrement inquiète. C'est qu'on a maintenant Drag Race Canada qui s'en vient. Ouais. Et puis, ça va changer complètement l'économie de notre scène parce qu'il y a des gens qui vont être payés beaucoup plus qu'avant qu'est-ce que ça va changer. Mais l'autre chose aussi, c'est on a maintenant 12 saisons régulières de RuPaul's Drag Race américain. Puis les attentes sont très élevées. Ouais. Mais si tu regardes, maintenant, il vient juste de lancer le pub pour Drag Race UK. Ouais. Et puis tout le monde dit, sont busted, sont trash, sont pas belles, sont plates. Mais c'est parce que c'est saison 1. Ouais. Oui. Oui, c'est sûr que ça va pas être saison 1 de RuPaul's Original. Tu sais, on arrive à probablement 4e à 6e. Il y aura pas l'espèce de filtre flou, là, comme la saison 1 de RuPaul's Drag Race. Mais les drags qui sont là, ils ont pas le même économie. Non. Ils ont moins d'argent pour investir dans leur art. Alors, ils ont, tu sais, on va dire saison 4 à 6. Mais là, avec celui de Canada qui s'en vient, ben on est juste à côté. Tout le monde a des attentes qu'on va arriver avec des kits de 3 000 $ chaque fois. On n'a pas toute la fucking money de Brooklyn Heights, là, genre, at this point. Là. Parce que Miss Cracker et, je pense, Money Exchange aussi, ils ont pris des prêts de 10 000 $ avant d'aller sur Drag Race. C'est sûr, tu peux pas y aller pas de prêt. Mais c'est ça que Monique Hart, elle disait aussi. Elle était comme, moi, j'ai pas un assez bon crédit, j'ai pas pu emprunter d'argent, j'ai juste pris du tissu, je me suis dit, je vais figure out, tu sais. C'est ça. Pendant sa saison. Puis je tiens à dire, là, pour les gens qui trouvent que les Drag Race UK, ils ont l'air busted, là, vous essayerez de vous mettre du make-up dans la face. Ça, c'est... For real, though. Non, mais c'est vrai, là, aussi. Là. L'esthétique est intéressante. Cast est un peu blanc, mais bon, on fera une autre émission là-dessus. fait que nous, on va juste prendre une petite pause, puis on vous revient pour la conclusion. Alors, c'était tout pour notre émission de cette semaine. On vous remercie d'avoir été à l'écoute. Et bien entendu, je ne peux que remercier nos invités, Selma God et Uma God. On est tellement contentes que vous soyez venus. C'est le temps de faire des petites plugs. Uma God, qu'est-ce qu'on plug? Vous pouvez me voir avec mon show Church, qui se trouve de temps en temps au Cocktail. C'est mon événement où est-ce que j'ai des invités, puis on fait ça comme en famille. Vous avez le Gospel de God qui arrive, tout ça. Alors, bien le fun. La date n'est pas encore confirmée, mais suivez Uma God, puis on va vous dire c'est quand. Sinon, il y a le spectacle à moi, Selma God, Coven, qui va se passer le 25 octobre. Ooh. Ça va être l'anniversaire du spectacle, donc le 1 an du show. Et ça va être aussi l'anniversaire de Selma God. Fait que ça va être toute une soirée à ne pas manquer. Oh, is she a Scorpio? No, she is... Well, Selma, maybe, but, you know. Selma, absolutely. Oh my God, ton black persona a un différent signe que... Yeah, absolutely. That is good. Selma, yes. Okay, great. I can see the Scorpio in Selma. Whoa. Okay. Puis sinon, Uma et Selma animent Dragula au Mado les mardis. Yep. Yay! Oubliez surtout pas d'aller suivre Uma God et Selma God sur les médias sociaux. Un coup que vous allez les suivre, vous allez liker toutes leurs photos et ensuite de ça, vous commentez, pas juste avec des emojis, avec des mots aussi. Très tous important. Les photos. On our way to Drag Race Canada. Yes! Toutes les 700 photos de Uma. Vous pouvez nous retrouver sur tous les médias sociaux qui ont de l'allure en tapant 2 fifs le matin, le chiffre 2, fif avec un X à la place du I parce qu'on va pas se faire shut down par la police des mœurs, puis le matin, tout ça en un mot. N'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles partout où vous écoutez des podcasts. Bye les moons! Bye, God bless!